Alors, bonjour Juliette, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Alors, tout d'abord, j'aimerais te demander si tu pourrais nous parler un peu de toi et de tes études. Alors, je suis étudiante à Bâle et à Zurich. À Bâle, j'ai fini là mon troisième semestre en histoire de l'art et mon premier en archéologie. Et à côté, je fais un cours préparatoire à l'école d'art et design à Zurich. Et le week-end, pas tous les week-ends, mais certains week-ends, je travaille encore au cinéma. Ah, d'accord. Et à propos de ces cours, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à faire ce cours préparatoire à Zurich ? Je me suis toujours intéressée à une école d'art pour faire plus tard. Et je trouvais que ça s'agençait bien parce que c'est sur un an et demi mon cours préparatoire. Et vu qu'à côté, j'ai la théorie à l'université, je trouvais que ça s'agençait bien. Comme ça, j'ai les deux. D'accord. Et tu sais déjà ce que tu veux faire après ton bachelor ? Alors, j'aimerais bien terminer l'histoire de l'art et l'archéologie. Peut-être travailler quelques années dessus ou bien des projets qui se basent sur les deux domaines que j'ai choisis à l'université. Et après, j'aimerais encore faire une formation dans une école d'art et design en architecture d'intérieur. Ah, d'accord, super. Et comme tu l'as dit, tu as des cours à l'université de Zurich et ici à Bâle. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux ? Par exemple, dans les cours, est-ce que les professeurs ils demandent plus ? Ou d'après le niveau de difficulté ? Ou en général, est-ce qu'il y a des grandes différences ? Alors, ici à Bâle, je suis le programme normal, donc on a des exposés à faire, des écrits à rendre, des travaux de séminaire, enfin de semestre. À Zurich, c'est une haute école. Du coup, à Zurich, on a plutôt les cours pratiques, donc on teste en fait différentes techniques. On peint, on dessine, on fait des travaux sur Photoshop, de la photographie. Donc... L'enjeu, on va dire, c'est à peu près la même chose. Enfin, ça demande des deux côtés à peu près le même travail, sauf d'une différente forme. D'accord, oui. Et donc, est-ce que tu préfères cet aspect pratique plus que le cours théorique de l'histoire de l'art, par exemple ? Non, moi, je trouve que... Enfin, je pourrais pas faire que l'un ou que l'autre. Moi, il me faut un peu des deux. Donc... Je suis ravie de faire les deux, comme ça je peux un peu m'épanouir en dessinant. Et puis à côté, j'ai quand même la théorie où je peux aussi m'instruire par rapport après à mes œuvres. D'accord, oui. Et à côté de l'Uni, tu as dit que tu travailles ? Oui. Et qu'est-ce que tu fais ? Alors, je travaille au cinéma. Donc, je suis en caisse, des fois au bar, ou bien des fois en plaçage, où je contrôle les tickets, tout dépend. Et puis, ce que j'aime bien dans ce travail-là, j'ai le contact avec le client. Je peux aussi voir les films qu'il y a au cinéma, qui peuvent aussi inspirer des fois certaines œuvres. Ouais. Oui. Et tu peux les voir gratuitement ou... Oui, exactement. Ouais. C'est cool. Ouais. ouais. Il y a des avantages à travailler là. Oui. mais ce n'est pas une. C'est pas trop stressant de travailler à côté des études ? Ça dépend des semaines. Il faut quand même une organisation assez minutieuse. Des fois, j'ai un peu de mal. Mais ouais, vu que je ne travaille pas tous les week-ends, ça dépend. Donc, je peux m'organiser différemment. Puis, j'essaye aussi de travailler le plus pendant la semaine. Vu que j'ai les cours en fait, à l'Uni 2 jours et demi. Et puis 2 jours et demi à Zurich. Et puis je peux aussi travailler dans le train. Ah, d'accord, oui. Ouais. D'accord. Bon, alors merci beaucoup. Service.